lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. On se retrouve pour Hind à Brezonek. Kentel, Pemkan, Perzek. 514, Henri. Avec, comme d'habitude, trois parties, dont cette première partie, Guerriou Arvué, les mots de la vie. Et c'est un mot en rapport avec la religion, aujourd'hui. Oui, c'est un mot d'origine religieuse, mais qui est utilisé assez couramment dans certaines expressions, qui est le mot « fée ». Alors, « fée », ça s'écrit F-E-I-Z, mais ça se prononce, du moins par ici, ça se prononce « fée ». Le « Z » ne se prononce pas. Sauf dans une partie du Léon. Voilà, donc c'est un mot féminin qui correspond au mot français « foi », F-O-I, donc, et qui a d'ailleurs la même origine. Donc il y a un pluriel, « fésiou », qui est rare, hein, qui est rarement employé, enfin moi je l'ai jamais entendu, mais enfin il y a théoriquement un pluriel. Voilà, mais en général c'est utilisé au singulier. Puisqu'on dit la foi, et la foi, elle est unique, du moins dans nos pays. Donc, c'est pour ça qu'on dit toi, orfée, quoi. Voilà. En vieux breton, c'était fide, hein, qui vient directement du latin, fides, hein, et qu'on trouve dans beaucoup d'expressions, hein, et beaucoup de mots en français, hein, fidèle, fidélité, voilà. Voilà. Donc, comme c'est un mot qui a été emprunté au latin directement, donc, à l'époque où les Romains avaient envahi la Bretagne, et puis la Bretagne, la Grande-Bretagne, hein, et la Gaule, donc, on trouve les mêmes mots, exactement les mêmes mots, en gallois et en cornique. Alors, c'est un mot religieux, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va y revenir, qui est passé dans le langage courant, par exemple, on dit « feyavat », hein, c'est très courant. Ma foi, oui. Ma foi, oui, hein, « feyavat ». Donc, alors il est très présent dans les cantiques bretons, hein, d'ailleurs, par exemple, Dafé onta doukos, hein, Dafé onta doukos, nipotre de braisisol, hein, donc, à la foi de nos ancêtres, qui était un espèce de, qui est un cantique un peu emblématique, une espèce d'hymne national du Léon, un peu, hein, voilà. Et donc, où on trouve aussi un peu plus loin, Fescar ton tadou, un foi aimé de nos ancêtres. Voilà. Et donc beaucoup de cantiques bretons. Donc, on dit on dénofé, un croyant. Il y avait la formule du Blundbrug, là. Le Blundbrug, c'était un mouvement culturel, breton d'obédience catholique qui organisait des fêtes jusque dans les années 60, peut-être même un peu plus tard, et qui disait « Ur brezon ag ag ur fi, zo breu a hoar ur brezizel ». Le breton et la foi sont frères et sœurs en Basse-Bretagne, oui. Voilà. Alors, le mot « fé » est souvent associé à l'adjectif « christen », hein, et donc ça donne « ur fé christen ». On trouve ça dans beaucoup de cantiques, hein, par exemple le cantique de Bulat, hein, Mir non zoïs orfe gristen, hein, la fin du refrain. Dans le cantique de Duot aussi, hein. Parousianus Duot hulenos souten, de vir ou star d'orfe gristen. Hein, les paroissiens de Duot demandent ton aide pour garder fermement la foi chrétienne. Orfe gristen. Alors, il y a dans les expressions qui dérivent de ça, il y a fidem doué, la foi de Dieu, la foi dans mon Dieu, qui est contractée à donner fidem doué. Et on ne pense plus du tout à l'origine. Il a très bien chanté ça, fidem doué, fidem doué. Il a très bien chanté ça, fidem doué, ya. Hein, quand on entendait ça dans les mariages, quand un chanteur avait chanté, hein, il va recommencer ça, fidem doué, ya. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Voilà. Alors, le mot fidèle a été adopté aussi en breton. Alors, le mot breton, c'est féal, hein. Mais c'est vrai que dans les chansons, on entend souvent fidèle, hein. Un dogamarade fidèle, hein. Donc, c'est un, un pline, hein. Et puis même la forme fidèle amande, hein. Mimoscarade fidèle amande, or plarvura parfaite. Ça c'est dans les conscrits de Logivie. Tu as dû chanter ça. Pas Logivie. Pas Logivie. Zantrifine. Ah, Zantrifine, oui. Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, oui. Voilà. Et donc, eh bien, pour terminer, Orfealdet, c'est la fidélité. Voilà. Des mots dérivés de... Et qui sont donc des mots d'origine religieuse, mais qui sont passés dans le langage commun. On en reste là, Henri ? Feyavat. Et on passe à la seconde partie, Brezonek Tamatam. Brezonek Tamatam, on continue sur les mots gaulois. Henri, je ne sais pas d'où viennent tes sources d'ailleurs. Ah, il y a plusieurs sources. Hein. C'est pas encore, ça vient pas encore d'Internet. D'accord. Pourtant, Internet est arrivé ici. Ah, oui, mais là, c'est des sources papier pour l'instant. Et c'est que je suis en train de classer en ce moment d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, on avait terminé sur le mot gaulois cloca, donc hein, qui a donné le français cloche et qui a été rapproché de hurlor en breton. Voilà. Alors, un verbe qu'on connaît en gaulois, cluer, qui est le verbe entendre et qui est proche du breton clevud. C'est vrai. Qu'on a déjà traité hein, ici dans cette rubrique là. Et ça, c'est une très vieille racine hein, qui serait même peut-être pré-indo-européenne, qu'on trouve par exemple dans gloire aussi en français, hein, glorian en latin bien sûr, hein, et qui est un peu une racine qu'on retrouve dans beaucoup de langues sur pour entendre ou percevoir un bruit quelconque. Voilà. Colino. Colino, c'est le ou en gaulois, très proche du breton, hein, Kellen. Hein. Voilà. Collodio, c'est la paille, surtout la paille de seigle, apparemment, selon les sources dont je dispose, et qui ressemble au breton colo, qui est un des mots qui désigne la paille. Hein. On connaît plus, ici, on emploie plus. Mais il y a un autre mot qui est colo. D'ailleurs, Gwen Golo serait le mois de la paille blanche. Hein. Voilà, collodio, la paille de seigle ou le chaume. Alors, un mot gaulois qui est très bien connu, c'est condat. Condat qui veut dire un confluent, hein, comme Quimper en breton, mais qui est le nom de nombreuses villes, hein, dont Rennes, par exemple. Hein, condat, Rennes, hein, qui veut dire le confluent. Hein. Là, il s'agit du confluent entre l'île et la Vilaine. Voilà. Kotos, C-O-T-O-S, T-O-S, qui veut dire vieux, ancien, qui bien sûr est très proche du breton cause. Alors en breton, il y avait deux mots, hen et cause. Hein. Donc c'est celui-ci qui ressemble à kotos. Ah, cras. C'est marrant, ça a été rediffusé ce matin sur RKB. Oui, j'ai entendu. Hein, oui. Et donc, ça désignait en gaulois une friche sèche, desséchée, quoi. Donc, ça se rapproche tout à fait du sens breton, hein, qui est un peu compliqué, hein, qui veut dire desséché, craquant, hein, voilà. Et dont on a fait une émission sur ce mot-là. Alors, QRK, c'est UARCA, qui est le chanvre. Donc, qui ressemble à un mot, l'un des mots du chanvre en breton qui est couar. Ici, on dit canne, mais il y a aussi un mot couar, hein, qui ressemble au mot gaulois. Culot, C-U-L-O. Donc, c'est un mot qui est passé dans le gaulois dans le bas latin. Hein, donc, et qui a donné le français C-U-L. Hein, donc, on peut dire dans certaines expressions non triviales, comme cul-de-sac, par exemple. Hein, et donc, et des dérivés, culot, culotte. Hein, voilà. Et alors, en gallois, en breton et en cornique, ça a donné un mot qui est pas tellement utilisé, kil, hein, K-I-L, qui est le bas du dos. C'est juste au-dessus de ce qu'on définissait tout à l'heure. Et qu'on trouve dans l'expression « penki la troite » en breton. Ce qui veut dire ?« Penki la troite », c'est-à-dire entièrement. Pour dire une chose, « Hesso breizat penki la troite », il est breton de haut en bas, quoi, entièrement. Alors, toujours du gaulois au breton, « cuno ». Cuno, le chien. Alors là, c'est un mot qu'on trouve, une racine qu'on trouve dans toutes les langues indo-européennes, hein, en grec, en sanskrit, en latin, hein, et en breton, qui. Hein, voilà. Qui avait donc aussi un pluriel ancien qui était cuon, et qui a été remplacé par chasse. Qui vient de chasse, à la chasse, hein. Un ensemble de chiens, c'est une chasse. Ouais. Voilà. Alors, le nom français est Tanguy, hein, par exemple. Oui, chien de feu. Chien de feu, voilà. On en reste là, Henri, ou... Eh ben, oui, je crois qu'on va en rester là. D'accord. Pour pas dépasser le temps qui nous est imparti. On passe à Petra Zonnevervo et la semaine prochaine encore, on découvrira avec Henri, les mots gaulois qui ont donné des mots bretons, je crois qu'on passera. Ils sont parallèles plutôt. C'est pas forcément dérivé directement de l'un à l'autre, mais qui sont parallèles puisque l'origine est la même. Voilà. Eri, Petra zo nevervro. Ben, calze dro e vel just buerve, je dis vous en. Krogom vel kiz a custum, gandela bourdouar, agevu e war armes. Erui om tos vraiment de fine nan, de ndo warnugen de zemisman, Evoen diska ramzer, adon de reyadar eur houls, de zer eur maïs e betraves, ad hadan eur guin is gwan. Pe dur tro dro de zan fanch, bamiz her eur had de guin is gwan. Un deel le moa komp ze dam de ze kude nou lez, ad de ze reuz e watre e zaverien zaud lez, ag ar stad lactalis. A benefin zo bekav eo donem glev, me pel manroaz yant de zigazek. Chomer a reiz el priz el ez, evit pe an eo hargo. Setus yo warne ke dech yo oaz an afarze. Avec vos clés, comme ça pas appel de Zenavar. À même, ma seconde, Harlan Lars, mon, Hitch, puis dur, Warmar de Hitch, zo, Kals, Zoudles, puis dur, l'art de Zoudles, vraiment Kals, ag, zé, j'ai une prise Wardrow, ag, c'est us au cul des nous, d'Asquare, très broduérien kitch, ag, Staliou et Vel, Carrefour. Dans mon temps, moi, d'âge, un andro m'a peu soin. Comme je vais calze, comme je vais roise, je roi, par appel, de ce que d'un entrise, bah, plaig mort la nuit. Un entrise, goudera d'un d'une dude, voire hermès, voire à péter et entrise, avec veille une plige de, évidigas rad un douard, puis verre et un douard. De la radé, puis vers Reis et leur pH. Cleve Muscals, Drow, Warzy, Ormar et Mans, Gvelard et un très on Thames, mais les que de Thames Guir, hein, mais de Jusma, de Egret, vide, Implicent, Bopet, Vidigas, Radendouar. Agerstal, Khan, compagnie armoricaine de navigation, un USB d'un droite, Grand notre ou Macron, au Blasso, de Deno Trace, de Spligmore Lanuen. A vraiment, Erstal Cannes au Croc de Deno Zèbre, puis y en a une bille de notre. Grand en vague, à zo Handvet, Côte de Bretagne. Ah, c'est sous fin, tu vois. Ag, Vax, Gazen Trace de Dreger P, de Landreger P de Zan Malo. Ag, bon, calze du de Zoen, bevel juste, nommé pesqueterien, divinérien en andro, a cet usobé d'or manifestadec, de Zulonneg vis Gwengolo, ou gan bam la nuon, ag zobé de pemi le du de Enop de Zé. Bon, gwelet vos pesabo de, vos con, mais de, ministres, un andro, zo du, gan un du zo manifesti, de Ségolène Royal, ag bon bon Macron manque d'as de Chine bon manque pis sa mot vocal strola de zevena vite change de chant temps voir un endrome me stra strola de zevena dur le braise zo mar et mon au classe diba bor blanten a gave fait arwe zevro qui nigue zobé do neube d'un brug lan guider pop sort évident d'esclair un trou, ur blanten, arwez des œuvres et l'an. Puis dur, calze varzet de scan de l'an, et vel, José Maria de Heredia, de scribe d'Asquire, les agents éclatants parurent du granit, d'or l'âpre sommet que le couchant allume. Les oquers, hein, c'est scribe mot. Ag, ur raison de gur barz, Toussaint le Garec, hien soit de skier grismoelou, ag un escrive calze draw e brezant de gvlour, an escrive de gwerzenou, war e lan, ag evitant e lan ag breizad zo evel daou breu, o vivant war mammez douar, a dindan ur mammez amza. Toussaint le Garec, ne escrive calze draw, hein, war nature. E lan, latin e ulex europaeus, non ivez ka vedam me bavrou en me case. Speno Wenzo un mestra, ra blenio bakreis de guan, a zezo brau, a donné ve amzar, mais ve zo via, bakreis de guan, ba mis tierzu, ba mis tiendur, gwegel vige ro et land pilot yezek, pas de guan, bon, zezo cause, zo balvole, on en danse, a zo handvet pilor land, a me jonge de alis, me zbekle dans ma ipenek de spirut, au camp dans leur pilorland, pilam douce et tralala, pilam blanc de blanc-man, camatrez un ben et blanc, vim que tout très en man. Dernier en beuve au DBZ, à dernier le vaut maro, à dernier le vaut partie de Gervigine drapeau. Zéwa, une danse pilorland. Zéwa bédiga, c'est dans me bavro, quand leur Blunbrug, juste mal, quand leur astrola de Blunbrug. Ag, land vigé pilote quand, Gwegel gos, j'ai pile le grand au Morzel, bah, Banolo Erwin, hein, au Morzel, vigelard de Morzel, Lan, hein, ou Morzel Quat, gan Pejohu Antro Adro, a Waler ou Abed Implige de Manège, gan Tiesek, vitrei en mécanique pile Lan. Bon, quoi le dvou pesa plante dvou, la que dvel arwez. Dans mon temps, vraiment, war d'achener politique eres. Ben détient tambla, vos crou terre barouz neve ban département. Ma département au doun arvor. Parouz mur à Zangwen, vos lac de sembles, et vite crou in or barouz neve, ag vos hand vet gerle dan. Jouar, p'dur, reuz obé ganzé, mais de, me zang vos mire me mestra nan gerle dan. Zirai que pija dur de parouz ou trop wadro, mais, hand vet obé gerle dan. Agebon pivezel ma de rogen dispar, zangwen oa o trev deus mur. C'est u mon deux d'un trou oa o his evel oan gwegel. A ter bar ou zel vo lak et semble vid ober ur bar ou zavo handvet bon repos sur blavé. Oa ranke pe sa mot vo lard in prezant de. Hein? Pidur, diskizoar, dia. Il y a un présent de Gnimlar et Bonar et Cuyem. Mais de bon, un terbarous l'aniscat à Perret à Zangelvan. Ag bon, Zangelvan zobit déjà à l'aniscat. Gojel Gos, puis on trêve de l'aniscat. Mais Perret doit on trêve de Zilviak à Zobrement à Morbihan. Aguntuel d'Orblav. Aguntuel, il y a. Il y a, il y a. Bon, quel veut tout, hein, pis ça m'a de vos comptes, quand, ben, bon, nabat, bon repos, bon, peut-être, zola, que de vous de graisse, une bénéfine, de tout, de bar, ou ce, puis d'y'en voilà, que de bon repos, sur Blavet. Un DL, moi, quand, comme je tarde, de un distro school, ag, bon, d'un temps, de ce braison, ben, plus je dis vraiment, ben, et presque d'un hiver, un, Vugan les rois, puis jour je dois en adouer un bugle au bascol plijdi un peu andra matré à balarion zo bedigor do au nenten diouyes et vide scol vam gan triver bugle besan à zé zo andra bouyes évidemment évidor vro en même puis on noir d'âge en présent de glahar à débé tout de vraison les guerriens Clève ou de Waed de Nana ou de Martial Ménard. Ag Martial Ménard, son den an eus labour e kals, vid an brezhanek. Gant oa bib a Paris pempla trug en zo. Hag idud oa deus lan re la, ba po ur mene, velard. Hein? Hag diske brezhanek gant an pe oa dro ugen la. Hag boe neus bib labour e kals an au labour divin ne se grède ou à représenter, hein. Gain. Bédé kélénère, badiwan. Croué doit bégantant un team bande néré, un sport de spendo hugen, là, mais de bonnes bénéfices ou à bézéret. Aga un team in bande, ne se bé d'im bande de calze droit ou à représenter, hein. Das cruir en voriou, Jean-Maille de Guigné, ou à bé d'in, ou bé de Oliver Guerz, calze, hein. Ag Urbla... Mémoire d'un paysan bas breton. Mémoire d'un paysan bas breton, regarde. Ouais, au bras de laine. Ou bien trop au bars. Urbla Perzeg à Perugen ou à Bédimban de Gantan. Ur Guéria dur Brezondek. Brezondek Pendaben. Hein. Puis dur Béta vraiment. Ouais. Guéria dur yo Galak Brezondek à Brezondek Galak. Mais asé, mon Brezondek Pendaben. Ag bon calz drawel neus begred hein crouen oa bet gant Charlie Graal gazetten hein oa breiz info ag nevison bi komz deus ar geria du brezon dak devri war ar roedat zo bet im bon neveso an oa ket dechu roaz met bon Je vois vos tudes à échu osé, mais ne ce que fin, ben, ne, pense, ben, c'est un mot, donc, en trop, ici. Bon, c'est-tu en Gualgolé, Martial Ménard, mais me sera vide, vide en Braison, donc à vide en Après, on a combes de stud, et un an an, Roger Cosler de Strémalgat, de Zouet, un an an, un NDL, Awaye Obidou, bah, Trémalgat, Roger Cosler, où on a, un danseur dispar, plusieurs, hein. Pline. Dans Pline à ficelle, hein. Danseur, danse ficelle, hein. War Pline, Sbid, de Pems the Quasier Mode, bah, ben, dans nous, hein. Hag, au hier, à doua gwellan, danse à l'en danse pli. Hag, ben eus bet ur priz, ive ba, ba gwell fissel. Hag, hins oa an den a oa tom deus un dreuzen gol, an oa goul de vije bet zon er yen dreuzen gol, ba ye obidou, a zizo koz oa daou zon d'an dreuzen gol, ba... Oui. Ya, ya, mi a... À Dominique, même grâce à un temps zone évitant, juste, bah très mal, gâte. Bon, bah c'est un temps peut-être zoné, mais bah vrai, trop drisso, mais de, trop plus jusel, zo, ras. À Benevegel, voilà, ras. Keno, Eri. Ya, tiens, Vegel, Morgane.